Et voilà, c'est parti. Deuxième sujet. Êtes-vous un agent du double? La propriété... J'ai fait un test ce soir pour avoir ce sujet-là. J'ai été voir le food truck, là, Stéphanie, on a une bonne chimie. Elle est née à deux semaines de différence de Jonathan. Elle est née à 77, mais elle est née deux semaines avant Joe. Et puis donc, un poisson. Puis j'ai dit, Stéphanie, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais reconnaître que je suis un agent double? Ah, elle dit, c'est impossible que tu sois un agent double. Elle dit, t'es trop transparent, t'es facile à lire. Ah oui, mais peut-être qu'ils m'ont donné un entraînement pour être capable de voir et puis de savoir que toi, des gens transparents, tu te défends pas contre ça. C'est un personnage, c'est un caractère qui c'est sécurisant. Tu sais, j'ai peut-être eu un entraînement pour ça. Là. Elle dit non. Elle dit, je te sens trop. Ben c'est ça. Si j'ai eu un bon entraînement, puis j'étais un bon élève, j'allais juste peut-être à jouer avec tes émotions, puis avoir de l'air bête quand j'arrive ici, puis là, tu finirais par penser que je joue une game. Elle dit, écoute, ça fait un an que je te connais, puis tu pourrais en passer une petite vite à d'autres, mais moi, tu ne pourras pas m'en passer. Fait que donc, je ne suis pas un agent double. Non, pour moi, tu ne peux pas être un agent double. T'es trop straight. Ça paraîtrait dans ta face. On te verrait avoir des tics nerveux, des affaires de même. Bon, OK, correct. Puis là, quand j'aime partir, elle dit, « Salut, l'agent double. » J'ai dit, « Écoute bien, on va faire une affaire. À cette heure, tu sais ce que je suis, là. Appelle-moi l'agent du double quand il y a du monde. Agent double, quand on est ensemble, ça ne me dérange pas. Mais agent du double, ça va noyer le poisson. Les gens ne seront pas... suspicieux. Puis surtout, si le maire vient manger ici, annonce-moi pas comme un agent double. Faut que tu sois jockey, agent du double. Ça va? Elle dit, là, tu me foutes le doute. T'sais, écoute, fie-toi pas à ma Mercedes. Fie-toi pas au fait que je fais. Fie-toi à ce que tu sens. Elle était dans la beurrée, là, dans où il est plus clair. Peut-être pas capable de faire des affirmations comme ça, hein? Vous attendez quoi? Vous attendez, avant de penser que vous êtes un agent du double, vous attendez d'avoir la preuve que vous l'êtes. Hein? On s'entend-tu là-dessus? Avec ma conférence, à part là. Êtes-vous capable de faker le fait que vous êtes un double et, conséquemment, les forces vous habitent? Êtes-vous capable? Si vous n'êtes pas capable, vous êtes des égaux. Que le double se cache. Et puis, de temps en temps, vous allez invoquer les forces, comme dans le temps du catchis, là, où les gens invoquent Allah, invoquent Bouddha, invoquent le Christ, fait des prières, va à confesse. Christ, qu'est-ce qui a changé? Hein? Rien. Vous allez tout le temps dans la marde, quand vous allez dans une situation de crise extrême, vous allez toujours être dans un processus d'invocation d'une force que vous qualifiez de supérieure, puis qui doit vous habiter. Mais tu sais, tu rentres dans une maison, vous tu t'adaptes. Fait que le double, quand tu rentres dans votre maison, qui est votre âme puis votre ego, vous avez une période d'adaptation pour le nouveau locataire. Puis si le nouveau locataire, c'était le propriétaire, c'est pas un coloc que vous avez dans votre vie, là, il est propriétaire de votre corps. Oups, et là, hein? Quelque chose, ça, là. Essayez de dire, ouais, c'est moi le double. Dites-le dans votre tête, là. Je ne veux pas vous entendre crier, là, puis commencer à bouger la tête, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps de faire de l'exercice, puis vous bénir, puis t'as pas tente, là. Peut-être qu'on est simplement dans la façon moderne de parler de Dieu, en parlant des forces. Vous avez vraiment pensé à ça, vous autres? Puis que moi, je suis un grand prêtre. Malgré moi. C'est pas que j'ai pas eu les plaisirs de la chair, mais là, j'ai le plaisir d'être en chair. Hein? D'être dans ma. Pourquoi Dieu choisit l'homme, mais ne choisit pas la femme? Le gars, il est baveux, hein? Si la religion a simplement, comment je disais ça, muté en science, c'est la même religion que dans le temps, mais On n'est plus comme les islamistes dans les années 1400, là. Tu sais? Les autres, ils croient dans le personnage. Ils ne croient pas dans le message. Ils sont pognés, ils sont tous pognés dans le personnage. Allah, dis Allah, Allah. Hein, c'est ça, Allah. Tu as compris? Mais pensez donc que s'ils sont pris dans le personnage, c'est là qu'est le problème du musulman, là. Parce que le message n'est pas nécessairement mauvais, mais il ne s'est pas adapté avec les sociétés. Y a-t-il une maudite religion qui donne le droit à la femme de s'exprimer? Fouillez en esti, parce qu'il n'y en a pas. On est à l'époque de la fin des religions, mais ça ne veut pas dire que le message de fond n'est pas bon. La religion québécoise. Pardon? La seule religion, c'est la religion québécoise. Oui, mais la religion québécoise a supposé que c'est la meilleure. C'est quoi qui fait que la religion est la meilleure? C'est le droit à l'identité. C'est le droit de s'exprimer librement. C'est l'expression, entre guillemets, de Dieu dans l'homme. Mais ça a changé de terme. C'est l'expression des forces dans l'homme et la femme. L'homme, génériquement, veut dire l'homme et la femme. La femme qui s'exprime à partir de sa source, elle peut pas se plier au comportement décisionnel du mâle et des règlements, puis de ci, puis ça. C'est une convergence de conscience mutuelle, la sixième race. C'est du monde qui se lit et se voit. C'est la vibration, pas sur le comportement. Sais-tu que vous parlez bien, boys? Puis on a juste 4 minutes de 8. On est dans un monde qui est en mutation. Ça, tout le monde le sait, ça va vite. Mais la mutation, elle se dirige où? Vous autres êtes chanceux, vous pouvez savoir qu'on s'en va vers un processus individualisé. OK? Mais individu puis personnalité indépendante, c'est pas pareil. Une personne indépendante est généralement indépendante d'une structure quelconque, qui, on va appeler ça sociale. C'est ça que je parlais, le mot autarcique tout à l'heure. Tu peux devenir autarcique, tu peux être autonome, mais dépendant. Moi, je considère que je suis une cellule dans un corps, mais ma cellule est dépendante des autres cellules, mais elle peut être autonome dans sa vie propre. OK? Fait que je peux être une cellule qui est autonome dans le fait d'être une cellule, mais qui est interdépendante de la structure d'ensemble, c'est-à-dire que si le corps est malade, je risque d'être infecté aussi. Que s'il y a un problème de mémoire, on pourrait dire que les musulmans qui rentrent au Québec, c'est de la marde dans l'intestin qui remonte au cerveau. OK? Parce que si eux autres, on va dire ça en guillemets, s'adaptent, bien, tu vas aller aux toilettes normales, mais tu peux avoir le moton, le petit bout, il va te falloir des exclax puis un diluant là, dans l'affaire, là, sinon tu risques d'avoir le cancer. Vous me suivez? Mais c'est des cellules qui ont un droit de vie, mais qui ont une exigence de s'adapter pour garder le corps en santé. Tu peux pas te mettre au niveau de l'État islamique à l'échelle planétaire. Là. Fait que on a besoin d'une bonne rincée, un bon nettoyage de l'estomac, un bon nettoyage du foie quand eux autres apparaissent parce qu'ils intoxiquent le reste de la planète. Vous me suivez? Ils ont le droit à leur individualité, mais ils ont l'obligation par rapport à l'ensemble du corps de se mettre au pas. Tu parles de la Corée du Nord, même pattern. Ils peuvent vouloir être indépendants. Une main indépendante de la main droite, la main gauche, mettons, qui se veut indépendante de la main droite, elle reste quand même connectée au corps. Fait qu'elle tape la main, l'épaule droite, pas de problème tant que tu y fais pas trop mal. Mais si à un moment donné, il faut te couper le bras parce que là, tu es dangereux pour l'ensemble du corps, bien, l'ensemble est obligé de réagir pour neutraliser une fausse identité, une fausse individualité. Vous me suivez? Donc, le gros point, c'est est-ce que vous êtes un agent du double? Si vous êtes indépendant, vous avez des problèmes. Parce que vous avez une recherche d'être indépendant de l'ensemble. OK? Si vous êtes un agent du double et que vous avez une lecture du fait que vous êtes un thermomètre de l'ensemble du corps. Si moi, je suis logé dans une partie du corps et que j'ai une conscience de l'ensemble du corps, je suis une cellule en santé. Mais si j'ai pas de conscience autre que de ma personnalité, puis que j'ai pas accès à mon identité, ben ma personnalité va simplement regarder les contours de la cellule, puis le rapport qu'elle a avec les cellules qui sont de proximité. Vous me suivez jusque-là? Donc, conséquemment, ce genre d'individu-là est dans la personnalité, mais le mieux qui peut aller dans la personnalité, c'est d'être indépendant. Fait qu'un individu qui est indépendant est dans la personnalité, et puis un individu qui est dans un rapport de conscience collective, dans son rôle individuel, donc ça ne l'empêche pas d'être un individu, mais il y a une conscience de l'importance de son rôle avec les cellules, on va dire, à proximité, ben, à la mesure de son individu, il va avoir une conscience de ce qu'il y a à faire avec les individus. Claire, je parle hier, puis elle m'a dit, ça me descend. Elle dit, ça me descend que tu me parles de ça. Mais si ça allait descendre, c'est parce qu'on a vraiment un lien d'esprit, et puis que son âme atteint son point de saturation. Puis là, ben, je peux pas mettre des poubelles dans sa cour, si elle est déjà loadée. Fait qu'elle me dit, OK, c'est assez, je ferme la ligne. Je dis à Monique, qui vide ses poubelles, en même temps qu'elle me fait un travail individuel, je vais dire, OK, c'est assez, Monique, là, c'est assez, ma cour est pleine. Là. Puis elle n'écoute pas, elle déclenche dans ma cellule une réaction de rébellion. Vous me suivez jusque-là? Parce que là, elle est juste dans sa personne, puis dans sa personnalité, puis dans l'autorité de son indépendance. Tu sais, elle n'est pas liée à mon problème directement. Mais si elle rentre dans un processus de déséquilibre de ma cellule est obligée de se protéger de la sienne. Vous me suivez jusque-là? Des gens qui peuvent vous aider, c'est des gens avec lesquels vous êtes en syntonie. Quand je vois Jeannette, des problèmes, puis je dis, bon, ben, je peux t'aider là-dedans. Je demande à Alexine, tu peux t'en financer, puis je dis, moi, on garantir le prêt, papa. Elle me suit, elle reste en syntonie, on débloque ça, elle trouve des contrats. Pourquoi? Parce qu'elle s'est remise en mouvement. Puis mon objectif, c'est qu'elle se remette en mouvement. Mais sans moi et Alexine, elle se remet pas en mouvement. Ça y crée pas une dépendance, mais ça permet à sa cellule de désengorger un problème pour se remettre en mouvement. Donc, nos deux cellules ont mis une énergie quelconque à les remettre en selle. Quand vous êtes un agent du double et que vous êtes conscient d'être le véhicule d'une énergie mentale, psychique, occulte, appelez ça comme vous voulez, on va vous résumer ça pour les plus spirituels dans le cours, vous êtes Dieu. Vous êtes habité par Dieu. Vous êtes habité par une force. Appelez ça comme vous voulez. Je m'en crie, c'est pas les mots. Pas important les mots. C'est facile. Votre mutation se fait, mais ça se fait dans un processus individuel. Ça se fait pas dans une problématique d'indépendance. Moi, quand je dis, Christ, faut que tu sois autonome, faut pas que t'attendes après ton tour. Je dis pas coupe avec. Je dis sois dégagé de la dépendance qu'il y a à sa personne. Moi, j'ai parlé ce langage-là à elle, pendant 14 ans, facile. Là. Elle vient me voir, elle dit, en consultation, dans le temps qu'elle était avec son médecin, là, elle dit, moi, Daniel, j'aimerais ça être autonome. Oups, pardon, c'est un gros contrat, ça, ma grande. Es-tu sûr que ton chum va suivre là-dedans? Elle, elle ne savait pas de quoi qu'elle parlait, là. Elle est autonome, là. C'était une grosse affaire. Là. Ouais, mais ça a pris quand même 3-4 ans avant que tu comprennes les conséquences. Oui, puis quand j'ai dit à Don, j'ai dit, Don, il va falloir que tu t'attaches à ta chaise, l'emmène, là, parce que tu vas avoir une mutation de femme. Elle a décidé, elle. Toi, tu n'as pas décidé de partir, mais il y en a un qui t'a fait décider à son timing. Puis tu l'as dans la gorge, en crise, qui a décidé à ta place. Hein. Puis là, ben, toute ta vie, c'est de te battre pour toi décider plutôt que de laisser l'autre décider. Donc, quand vous êtes un agent du double, vous avez cette conscience d'une force qui vous habite, qui peut pas arrêter le train. En sens que, il n'y a rien qui arrête le double. Il n'y a rien qui arrête votre source psychique. Vous savez pas où vous en allez. Vous savez pas que vous avez cette force-là, à moins de créer toutes les mouvances qu'il faut pour voir que ça apparaît. Fait qu'un individu qui est conscient d'être dans un corps, faut qu'il tienne compte du corps dans lequel il est greffé. Parce que vous êtes greffé à une structure. Puis votre structure, il faut qu'elle soit en santé, il faut que les cellules autour de vous autres soient en santé. facile à comprendre, ça, là. Ben là, le détail des cellules autour de nous autres, là, ça peut être notre environnement, whatever. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vivre? Qui me fait vivre? Oui, qu'est-ce qui te fait vivre? Pour nourrir ta cellule, là, qu'est-ce qui te fait vivre? C'est basique, ça, hein? Ça, c'est le facile à voir. Ouais. Mais moi, pour moi, c'est plus concret que ça. Quand t'as, quand t'es agent, là, tu traites avec. Donc, qu'est-ce qui te fait vivre? Laisse-moi finir. Ce qui te fait vivre, c'est les comédiens. Et qui engage les comédiens? C'est pas vrai. Les producteurs, ça te fait vivre. Puis les agences de casting, OK, ça, c'est les gens les plus importants de ta vie. Après ça, quand on tente d'un tarte, qu'est-ce qui te fait vivre? Les clients. Les mangeurs de tarte. Tu t'en vas dans un jardin, qu'est-ce qui te fait vivre? C'est ça. Toutes les personnes qui te font vivre s'occupent de toi. Et est-ce que tu as un lien affectif à n'en plus voir clair? Non. Tu es simplement un agent qui donne quelque chose pour recevoir quelque chose. Tout ce que tu donnes pour recevoir, c'est ce qui te fait vivre. Pourquoi je m'occupe de vous autres? Et voilà. Tant que vous allez me faire vivre, j'ai pas le goût d'aller ailleurs, moi, là. Simple de même. Puis vous me faites vivre de bien des façons. Vous donnez un sens à ma vie, vous donnez un plaisir. Moi, j'ai eu du fun à soir à faire mon travail. Je sais pas ce que j'ai dit, là, moi, le savoir, parce que je vais écouter le CD. Mais je sais pas tout ce que j'ai dit, mais je sais que ça va aider, là, tu sais. Fait que, il faut vraiment comprendre qu'on est interdépendant. Et puis que demander un service à quelqu'un, c'est pas demander l'au monde. C'est de demander à une autre cellule de prendre la charge de quelque chose. Donc, dans le développement de votre être, vous devez penser à qui peut être en contact avec vous autres pour vous recycler le cerveau, le mental. Si vous n'avez pas d'amis, vous n'êtes pas intelligent. Vous le dites tout de suite, là, si vous n'avez pas de capacité de vous créer des relations amicales, vous n'êtes pas intelligent. Et attendez-vous pas à travers vos amis qui soit à votre service, Chris. Tu sais, il n'y a pas juste une cellule dans le corps humain. Il y en a des milliards. Fait que nécessairement, c'est les cellules les plus proches de vous autres qui sont sujets à vous supporter le plus. Quand vous êtes un agent du double, le double s'occupe de vous autres, hostie. Pas compliqué à comprendre, ça, là. Fait qu'il va dire, bon, ben, OK, tu peux matcher avec lui. Puis si vous n'êtes pas indépendant, là, tu sais, puis vous voulez avoir de l'aide, d'être au-dessus d'eux, point final, tu sais, je dis, Chris, si t'as besoin de moi, moi je suis là, puis moi j'ai besoin de toi, puis t'es là, merveilleux. Mais quand vous êtes un agent du double, vous êtes capable de lire ça. Vous êtes capable de voir dans les événements. Vous êtes capable de lire votre vie et votre vie avec les autres. Vous avez des problèmes, tu sais, avec votre calice de cellules qui ne veut pas se matcher à d'autres cellules, alors que vous ne pouvez pas être... Ben non, il l'a dit, je ne sais pas combien de dizaines d'années, moi je t'ai pas dit milliers d'années. Relax, Max. Vous ne pouvez pas être intelligent tout seul. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être intelligent tout seul. Moi, je suis obligé de parler en conférence pour goûter à mon intelligence, goûter à mon canal, goûter à ma source, sacrement. Puis vous autres, vous pensez qu'aller les livres tabarnak, vous allez être intelligent, vous n'avez rien compris de la vie. Puis même encore, un livre, c'est écrit par quelqu'un ou plusieurs personnes, puis vous êtes encore matché avec quelqu'un, mais vous vous cachez. Les livres dans les toilettes, là, des livres, je ne sais pas trop où. Mais vous ne pouvez pas être intelligent seul. Là, elle a découvert la bourse aussi, puis je te dis, c'était un vrai petit singe, ça comprend à vitesse l'éclair. En une journée, elle a fait 1130 $. Hein? Avec un capital investi de quoi? De 3 contrats maximum? Ouais. 3 contrats, c'est 1 200 $. T'as fait du 100% en une journée. As-tu déjà pris conscience de 100% dans une journée? Vous voulez avoir la syntonie avec des gens tabarnak. Si vous le reconnaissez, moi, là, Gaulin, là, puis le kit, les tireurs Top Gun, là, que moi puis Gilles, on rencontre, tu te mets en syntonie avec ces gars-là, là. Fuck, ils vont t'apprendre des affaires extraordinaires. Elle, s'est achetée une autre chose. Pas parce qu'elle a rêvé de s'acheter une autre chose, c'est parce que les gars, là-bas, ils ont dit, le Top Gun, c'est une autre chose. Puis elle avait moyen d'acheter. Elle n'a pas eu le génie d'acheter. C'est une cellule autre qu'elle-même qui a dit c'est ça qu'il faut acheter. Puis elle s'est acheté une anchose, puis elle s'est connectée avec la anchose à elle, puis elle s'est acheté une anchose à la fin de la session. Puis elle est une anchose encore plus perfectionnée que la sienne. Chris, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. On n'est pas intelligent tout seul. Moi, je ne suis pas intelligent tout seul. Ça pour te dire quoi? C'est que si vous n'êtes pas capable d'être intelligent tout seul, mêlez-vous donc à du monde. Tu sais? C'est tout. Mais du monde. Pas des cellules mortes. Pas des acariens. Vous avez des problèmes avec vos rapports humains, vous êtes plus dans des problèmes d'égout. Pas dans des problèmes de circulation des eaux sous la terre. Non, vous avez des problèmes d'égout. Vos égouts sont bouchés. Vos toilettes débordent. Chris, mettez-vous un drain ou n'importe quoi pour faire un vacuum sur vos affaires. Ça n'a pas de sacrement d'allure, bloquer des énergies de même. Ah, il y a des questions. On est rendu à la période de questions. Des fichiers énormes. Je ne sais même pas si le computer va l'accepter. Tantôt, quand tu disais, tu sais, débloquer où tu es où, là, puis l'arrêt là-dedans, tout ça, mais il faut toujours quand même qu'il y ait un échange, parce que tu vois la cellule de l'autre, puis qu'elle, elle aussi, la personne, elle reconnaisse. C'est pas nécessaire que la personne comprenne. Je t'ai débloqué ta finance en grande partie parce que j'ai fait une entente avec Gilles, puis j'ai fait une entente avec Jeanne, parce que tu traînais dans tes prêts, ça n'avait pas de style. Tu faisais pas le ménage là-dedans. Là. Tu payais ce qui était le moins important, le gouvernement et ces affaires-là. Mais tu payais pas les cellules qui étaient à côté de toi. Fait que j'ai dit, elle va bloquer, ça va être sans fond. Non, mais j'explique. Il a fallu deux cellules qui se combinent, moi et elle, Alexine, pour lui donner le goût de vivre. Calisse. T'as pas de goût de vivre, tabarnak. Où est-ce que je veux t'en aller? Là, tu bouches tes trous de l'été par les jardins, puis tu bouches tes trous de l'hiver par les tartes. Sais-tu que c'est plus facile d'être agent d'artiste? Après, là, ben là, t'es agent d'artiste et t'es agent tartiste. T'es au bout? Moi, je suis capable de vous expliquer tout ce qui vous bloque dans votre vie. Tout. Dans la vie, c'est toujours un mauvais rapport avec un environnement. Comme moi, là, si je ne veux pas me faire bloquer dans ma vie, là, à Saint-Colomban, il faut absolument que je règle mon histoire de chat. C'est vital. Quand tu dis règler, est-ce qu'il faut que ce soit en harmonie entre toi et l'autre? Oui, parce que c'est des cellules qui cohabitent. Moi, là, je considère que j'ai perdu mon privilège de vivre à Saint-Colomban. Okay. C'est un privilège de vivre dans une ville, là. Puis j'ai perdu mon privilège, puis il faut que je retrouve mon privilège. Mais dignement, c'est sans conflit, là, parce que là, je suis surveillé, là. T'sais, surveillé, c'est pas une vie, ça, là. C'est avoir du monde qui peuvent descendre chez vous tout le temps pour venir te checker, là. Pour moi, c'est pas une bonne ambiance. J'aime pas ça, là. Fait qu'eux autres vont perdre le privilège de ma cellule, dans le sens que ça va se déplacer. Moi, partout où je vais, ça se développe énormément. Ça se peut-tu que ton travail de ta cellule est fini dans cet environnement-là, puis que tu sois amené à travailler ailleurs? Oui, peut-être que c'est ça. Ben, moi, c'est ça qui me disait, en tout cas. Ouais. Parce que t'es dans le développement. Oui, puis là, la ville est peut-être assez développée. Là. Mais oui. si la ville elle me donne... Écoute bien, là. Si la ville me donne le droit d'une chatterie, c'est signe que ça va passer de... Là, ça va se développer. Ça va être l'expansion. Pour eux autres. Oui. Et pour moi, c'est sûr. Oui. Mais c'est de trouver le moyen d'harmoniser. C'est pour ça que je dis à Jeannette, bats-toi pas contre un individu, bats-toi contre un événement. C'est un événement qui est le problème, là. C'est un règlement qui est le problème. C'est pas les individus qui viennent me dire qu'il y a un règlement à respecter, là. Ils me casseront pas. C'est un événement. Un individu conscient, c'est pas cassable. Si vous êtes cassable en quelque part, là, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Être intelligent, tu sais, quand tu es intelligent, tu sais que la vie, c'est un problème d'événement, c'est pas un problème d'individu. Il n'y a pas un esti de gars avec la pègle là, qui va te coller un 45. Tu vas dire, tiens donc, pour voir si t'es capable. Moi, c'est sûr qu'il va arriver. On va voir d'autres, tiens donc, si t'es capable. On va voir si le gars n'y part. Si ton gars ne part pas, c'est un signe. Question. Au début, quand tu parlais des musulmans, mettons, là, oui. qui eux autres, ils croient en Dieu à l'extérieur. Hein, c'est ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais OK, moi, je l'ai interprété. Non, ils sont pris dans le personnage. J'ai dit, ils sont pris dans le personnage d'Allah. Okay, ils ne sont pas pris dans le message d'Allah. Donc, ils se fient à un personnage extérieur. Ça, ben oui, c'est ça. Comme les gens qui croient en Dieu, mais par le biais du Christ. Comme ceux qui attendent les extraterrestres pour se faire sauver. Tout ça. Ils ne sont pas dans la lecture de l'événement. C'est la lecture de l'événement qui est la réalité. Mais si vous êtes tout le temps en train de boxer sous celui qui est le messager, ben vous allez perdre de vue le message. Donc, les gens qui sont musulmans puis qui sont extrémistes, ils sont dans le « Allah nous a dit » plutôt que de voir le message d'Allah qui doit s'adapter. Parce que les autres ne se sont pas adaptés. Ils sont encore en 1400, 1500. Mon ami là, qui est syrien chrétien, là, il dit, c'est des retardés. Là. Il dit, même en Syrie, là, quand ça sort de Syrie, là, c'est des retardés. Juste le fait qu'ils sont musulmans, rentrez pas ça au Canada, vous allez avoir du trouble. C'est du monde qui s'adapte pas à votre environnement parce qu'ils sont pas capables. Il dit, ils étaient pas capables dans notre pays, ils sont pas plus capables là. Puis nous autres, on n'est pas chrétiens. On n'est pas chrétiens. On voulait pas être musulmans. C'est comme, les gens votent NPD parce qu'ils veulent pas Harper, mais ils votent pas NPD. Ils sont NPD parce qu'ils veulent pas Harper. Tu comprends-tu? Je veux dire, c'est pas voter NPD. C'est voter contre Harper. Ça. Les gens vont voter le bloc parce qu'ils veulent pas avoir le Canada, là, tu sais. Ils sont pas dans la lecture de l'événement, là. Harper, il a fait des bons coups, là. Moi, je peux pas le blâmer sur bien des points, là. Il était dedans, maudit, le gars. Pas lui spécifiquement, mais son équipe. Lire. Toujours lire. Toujours savoir lire. Mais dans la lecture d'événements, qui lit? Qui lit? C'est-tu le double qui nous fait voir à l'ego de l'événement? Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça. Ça dit ça? Oui. C'est ça. C'est ça, tu le dis, c'est ça? Ben, je vais vous en sortir, là. Oui, c'est ça. Okay. Quand tu manges, chi, puis si tu vis une expérience, ben, tu vas avoir de l'info. Ben, quand tu es dans un événement, l'événement, c'est déjà une réponse. Une réponse ou une conséquence? Hey, si moi je ne suis pas important, là, as-tu déjà pensé à ce que t'es? T'es pas plus important. Conséquemment, l'événement est important. Et on fait partie de l'événement, puis on est des milliers de gens à faire partie de l'événement. Si je te dis, si je perds mes chats, il va y avoir un crash mondial. OK? Comme c'est produit en 2008. OK? Si tu penses que t'es important... Oui, c'est parce que je suis un thermomètre de ce qui se passe. Il y a des crises de chance que je sois un thermomètre. Puis que mes chats, c'est mon thermomètre à moi. Si moi, j'ai le thermomètre pour un autre, pour les événements que j'ai, je suis nécessairement aussi capable de lire dans mes événements qu'est-ce qui est le prémisse de... Moi, depuis que les gens viennent chez nous, là, puis qu'ils se donnent des droits de checker ça, de m'attaquer pour un esti de règlement... On va dire, les chats sont déprimés chez nous, là. Puis Chris, on s'entend qu'ils comprennent rien, là. Mais ils pognent la vibration. C'est sensible en maudit, un chat, là. Oui, c'est ça, mais c'est pas de rapport avec mes chats, là. Avec ce que tu vis, je pense. Non, regarde, tu personnalises, là. Et ça, c'est des événements. Il peut capter quelque chose. Il peut capter quelque chose qui est plus large que nous deux, là. Toi, tu ramènes ça à nous deux, là. Tu sais, hey, ah, je suis fatigué, je t'écoute, je suis brûlé. Écoute bien, là, ça va plus loin que ça. Là. Mais les animaux, là, ils ressentent quelque chose qui s'en va. Écoute, quand il y avait des tsunamis, là, il y avait plein d'animaux dans les zones de tsunamis qui fuyaient dans la terre. Ouais, c'est ça. Écoute, les animaux, là, c'est juste vous autres qui voyez ça comme des animaux. Mais si vous êtes en contact avec les animaux, comme toi, tu peux l'être, puis moi, je peux l'être, Chris, ça parle, ça, là. Ça parle pas le langage qu'on a, mais ça parle par le comportement. Tu sais, on peut-tu être dans l'individualité, puis isolé? Quand tu es dans la personnalité, tu es isolé. Quand tu es dans l'individualité, tu cherches le monde. OK, mais tu te sens pas isolé. As-tu compris ce que je viens de dire? L'individu se sait obligé d'aller dans le monde. Moi, je me sais obligé d'être dans le monde. Mais si j'étais dans la personnalité, j'essayerais par tous les moyens d'être indépendant. Jamais j'ai cherché à être indépendant. J'ai toujours cherché le rapport avec les gens, l'échange avec les gens. Toujours! Je me souviens pas dans ma vie de pas avoir été chercher des gens. Je fais de la carabine, Chris, puis j'essaie de me créer un environnement tout le temps. C'est plus important pour moi d'aller tirer avec du monde en compétition que d'aller tirer tout seul. La vibration, toujours la vibration. Toujours la vibration. Hey, j'avais pas une scène pour manger un matin. Pas une crise de scène. T'as-tu des balles à vendre? OK, j'arrive. Tu es obligé de monter à Sainte-Agathe? Peux-tu me voir chez Cora? Hé, hey, je m'en allais. Une chance que tu m'as appelé, là. Non, ça, j'ai une chance que tu m'as appelé, là. Il était à mon piste, puis là, j'étais avec Céline. Le gars est venu, puis il n'y avait pas de place stationnée. J'ai été porter ses balles. 160 pièces. Hé! Hey, on va manger à soir.